Chapitre 5. Je vis un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il était écrit en dedans et en dehors, et il était scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre? Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui put ouvrir le livre et regarder à l'intérieur. Je pleurai beaucoup, parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre ou de regarder à l'intérieur. Alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire et peut briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été mis à mort. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent à genoux devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des membres du peuple de Dieu. Ils chantaient un cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort, et par ta mort tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai encore, et j'entendis un grand nombre d'anges. Il y en avait des milliers et des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et chantaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. » J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, toutes les créatures de l'univers entier qui chantaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens tombèrent à genoux et adorèrent.